against another go to law before the unjust and not before the saints? Praise the Lord. Amen. You can see Paul here. Amen. Mm. For him, it's all about Christ Jesus. Wir sehen hier Christus. Er sagt ganz, nee, wir sehen hier Paulus. Ganz klar sagt, ihm geht es hier nur um Christus. Ne? Das, not in flesh. Und nicht um das Fleisch. Et dans verset 1, on peut voir comment pour Paul, il s'agissait seulement du Christ et pas de la chair. Amen. Verse 2, il dit, do you know, do you not know that the saints shall judge the world? And if the world shall be judged by you. Praise the Lord. Hallelujah. Are you unworthy to judge the smallest matters? Mm. Are you getting it? Mm. Amen. Amen. Verse 3. Verse know ye not that we shall judge angels? How much more things that pertain to this life? Let me go forward. If then you have judgment of things pertaining to this life, set them to judge who are least esteemed in the church. Verse 5. I speak to your shame. Is it so that there is none a wise man among you? A wise man that is somebody full of Christ. Amen. I'm not talking about the wisdom of this world or wisdom of marriage. Ist einer, der voll ist von der Weisheit von Christus, nicht der Weisheit dieser Welt. Et Paul parle ici d'une personne qui est sage selon l'esprit à travers le Christ et pas la sagesse mondaine. I hope you understand it. Mm. Somebody that is of Christ. Jemand, der von Christus ist, der wirklich von Christus ist. Quelqu'un qui est vraiment du Christ. No, not one that shall be able to judge between his brethren. Verse 6. Verse 6. For brother goeth to law with brother, and that before the unbelievers. Amen. Amen. Now, therefore, there is utterly a fault among you because you go to law one with another. Why do ye not rather take wrong? Why do you not rather suffer yourself to be defrauded? Nay, you do wrong and defraud, and that your brethren. Then he said, know you know that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God. Praise the Lord. Hallelujah. Are you, do you get something there, please? Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. I just thank the Lord for Paul. Ich danke dem Herrn für Paul. Et je remercie Dieu pour Paul. Amen. Amen. Again, if you go to Philippians 3, zu Philippa 3 gehen. Si on lit Philippiens 3. He was one full of religion. Er war einst voll von Religion. Il était rempli de la religion. But he humbled himself. Er hat sich gedemütigt. Il s'est humilié. And left all. Er hat alles zurückgelassen. Et puis il a tout quitté. Amen. It takes humility to get out of religion. Es braucht Demut, um aus Religion rauszukommen. Tu dois être humble pour sortir de la religion. What kind of humility? Gottes Demut. Et c'est l'humiliation de Dieu, pas de ce monde. Praise the Lord. Humilité. You know, Jesus mentioned something like that in Matthieu 18. Matthäus 18, da hat Jesus über sowas gesprochen. Et Jésus-Christ a parlé de ce sujet dans Matthieu 18. Praise the Lord. Amen. Amen. Verse 4. He said, whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is greatest in the kingdom of heaven. Talks about humility. Geht um Demut. Et Dieu parle de d'humilité. Amen. Mm-hmm. Religious spirit is a spirit of pride. Ein religiöser Geist ist ein Geist, ein stolzer Geist. L'esprit religieux est un esprit d'orgueil. It is a spirit of self. Der Geist von selbst. C'est l'esprit du soi. Are you getting something? Mm. There are different spirits of pride. Es gibt verschiedene Geister vom Stolz. Il y a des esprits différents d'orgueil. And one, you know, the spirit of self have his own spirit of pride. Und der Geist von selbst hat seinen eigenen Geist von Stolz. Et l'esprit du soi a son propre esprit d'orgueil. Just like religious spirit have his own spirit of pride. Genauso wie der religiöse Geist seinen eigenen Geist von Stolz hat. Comme aussi l'esprit religieux a aussi son propre esprit d'orgueil. The Pharisees, for example. Die Pharisäer zum Beispiel. Comme par exemple les Pharisiens. They were full of pride. Sie waren voll von Stolz. Sie waren remplis d'orgueil. Amen. There's always this religion is the spirit of pride in it. And, you know, the spirit, the power behind religion. There is a spirit behind it, and it's full of pride. Es gibt eine Kraft hinter diesem Geist der Religion und diese Kraft, dieser Geist ist voll von Stolz. Et il y a un esprit derrière la religion, puis cet esprit est rempli d'orgueil. Amen. Mm-hmm. The spirit of pride is an evil spirit. Der Geist von Stolz ist ein bösartiger Geist. Et l'esprit d'orgueil est un esprit mauvais. Jesus never had it. Jesus hatte diesen Geist nicht. Et Jésus-Christ n'avait jamais cet esprit. If not, he will not be able to die for us. Hätte er nicht dran sterben können, wäre nicht hingekommen. Because it takes humility for him to come. Es braucht Demut, um hinzukommen. Si, il ne pouvait pas laisser sa vie pour nous parce que tu as besoin d'humilité pour venir ici sur terre. And we don't have that spirit. We're here. Und wir hier haben diesen Geist nicht. Nous, nous avons pas cet esprit ici dans cette église. You can see where we live. Du kannst sehen, wo wir leben. On peut voir où on vit. I see my trust when we are in Vosima, in our palo. I said, you know, I can see, you can see that there is no spirit of pride. Das kein Geist. There's somebody, one of our children here sleep sometime. Are you getting it? Das kein Geist. It's not that you cannot afford a beautiful house, or a beautiful flat. But you know, you humble yourself and say, I want to be part of God's family. We don't have that, you know, that evil spirit of pride. Wir haben nicht diesen bösartigen Geist von Stolz, der sich nicht demütigen kann, ob es jetzt um Schlafen geht, um Essen geht, um alles andere geht, der sich zu schade für all diese Dinge ist, sondern man demütigt sich in Christus und will lieber bei den Heiligen sein als in der Welt. Et nous, les enfants de Dieu, dans cette église, nous n'avons pas cet esprit d'orgueil parce que nous sommes aussi capables à dormir même par terre et pas parce que nous n'avons pas l'argent pour avoir un lit, mais c'est parce que nous avons envie d'être avec les enfants de Dieu et de passer le temps avec les enfants de Dieu. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Look at the spirit that's dwelling in us. Schaut euch den Geist an, der in uns wohnt. Isaiah, l'esprit qui vit en nous. Isaiah 11. Isaiah 11. Yes, talking about you and me. Hier geht es um dich und mich. Praise the Lord. We read from verse 1 to 9. We'll quickly go through. 1 plus 9. Verset 1 à 9. It says, and there shall come forth a rod out of the stem of Jesse, and a branch shall grow out of his roots. And the spirit of the Lord shall rest upon him, the spirit of wisdom. You can see the spirit that lives in you. All the spirits are in Christ, and Christ is in you. All diese Geister sind in Christus, und Christus ist in dir. On peut voir l'esprit qui vit en nous, parce que cet esprit est de Christ, et puis le Christ vit en nous. Amen. Christ did not come empty-handed into you. Christus ist nicht mit leeren Händen in dich gekommen. Et le Christ est pas venu à main vide dans ta vie. He came with all the spirits inside you. Er kam mit all diesen Geistern. Il est venu avec avec cet esprit dans ta vie. Praise the Lord. And the spirit of the Lord shall rest upon him, the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel. That's why when you know, oh daddy, praise the Lord. Hallelujah. There's no one you cannot counsel today. Es gibt niemanden, den du kein Rat geben kannst, weil der Geist des Rates in dir ist. Christus Jesus. Il n'y a personne qui ne peut pas conseiller parce que l'esprit de conseil vit en toi. You don't need to be married to you know to counsel couples. Du musst nicht verheiratet sein, um um Eheleuten einen Ratschlag an Christus zu geben. Et tu ne dois pas être marié pour donner des conseils au couple marié. Are you getting it? Don't need to have children before you counsel children. Du musst nicht Kinder selber haben, bevor du Kindern Ratschläge geben kannst. Or their parents. Oder ihren Eltern Ratschläge geben kannst. Tu n'as pas besoin d'avoir des enfants pour conseiller les parents ou même les enfants. Because all these spirits are already inside. All diese Geister sind schon in dir. Parce que les sept esprits vivent déjà en toi. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and the mind, the spirit of knowledge and of the fear of the Lord. Mm. You wonder why you choose Christ all the time. Du wunderst dich, weshalb du dich immer wieder für Christus entscheidest, wie in dem Geist der Furcht des Herrn. Et tu es surpris pourquoi tu es toujours capable à choisir Jésus-Christ n'importe quoi. C'est parce que l'esprit de la crainte de Dieu vit en toi. Praise the Lord. In verse 3, he said, and shall make him of quick understanding in the fear of the Lord. And he shall not judge after the sight of his eyes. Can you see that he's talking about you? It is about not judge man according. You know, for you it's all about the spirit. Wir richten nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist. Et nous, on peut voir pourquoi ce passage parle de nous, parce que nous, on ne juge pas selon l'extérieur, mais selon l'intérieur. Are you getting it, please? À travers. Neither reprove after the hearing of his ears. Oh. But with righteousness shall he judge the poor, and reprove with equity for the meek of the earth. And he shall smite the earth with the rod of his mouth, and with the breath of his lips shall he slay the wicked. Praise the Lord. That's why Jesus said in you know, Jesus talked about this very place in Matthew 18. Put something here. Go to Matthew 18. Matthäus 18, da spricht Jesus Christus über diese Stelle. Matthew 18, c'est là où Jésus-Christ parle de ce passage. Praise the Lord. Yeah. Matthew 18. Matthäus 18. Matthew 18. Verse 6. He said, but whosoever shall offend one of these little ones, which believe in me, it will be better for him that a millstone be hung about his neck, and that he will drown in the depth of the sea. I hope you understand something here. Amen. Amen. Your breath, whatever come out from you, you know, people should be, if you, anywhere you go, people should be, just be jumping up and praising the Lord. Egal wo du hingehst, Leute sollten sich eigentlich freuen, really wenn sie dich wirklich kennen. It's a pity they don't know. Aber es ist schade, dass sie dich eben nicht kennen. Et partout où tu pars, normalement les gens doivent sauter puis louer l'Éternel quand ils te voient, mais c'est vraiment triste que les gens ne te connaissent pas selon l'esprit. If anyone offend you, it says whosoever, verse 5, shall receive, okay, whoever receive you, see, look at it, verse 5. And whoso shall receive one such little child in my name, receive me. I don't know if you are getting it, please. Mm-hmm. Praise the Lord. Even if you look at the old Joseph, why was his master blessed? Because of Joseph. Selbst im alten Bündnis sehen wir das. I hope you get it. Dass Josephs Meister gesehen wurde aufgrund von Joseph. Et on voit que même le maître de Joseph, il était béni. C'était pas à cause de lui-même, mais à cause ou bien grâce à Joseph. And the Lord, and Christ said that what you have is greater than what Joseph had. Und der Herr sagt heute zu uns, das was wir haben, ist größer als das, was Joseph damals hatte. Amen. Et Jésus-Christ nous dit que ce que nous avons aujourd'hui, c'est plus grand que ce que Joseph avait. Praise the Lord. Amen. Amen. Please back to Isaiah 11. Zurück zu Isaiah 11. Donc, on rentre à Isaïe 11. Praise the Lord. Verse 5, he said, righteousness shall be the guild of his loins. Verset 5. And faithfulness, the guild of his reins. Praise the Lord. The faithfulness of the Lord. The Lord is faithful. The Herr ist treu. Amen. Dieu est fidèle. Amen. Amen. What Christ called faithfulness. Das, was der Herr treu nennt. Ce que Dieu appelle fidèle. What he called righteousness. Das, was er gerecht nennt. Ce que Dieu appelle justice. Amen. What is called righteousness is believing Christ. Das, was er gerecht nennt, ist Christus zu glauben. I hope you still remember. Et ce que Dieu appelle justice, c'est de croire Jésus-Christ. Abraham believed God. It was counted unto him as righteousness. Abraham glaubte Gott, und es wurde ihm als gerecht angerechnet. Et on a dit dans la Bible que Abraham il a cru Dieu, c'est ça, c'était sa justice. The only one, just one thing that is right, believing Christ. Es gibt nur eine Sache, die gerecht ist. Und es ist Christus zu glauben. Das ist deine Gerechtigkeit. Il y a seulement une chose qui est juste, c'est de croire en Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est ta justice. And not what man or religion call righteousness. Adopted children, giving money to the poor. You can know what they call righteousness. Und nicht das, was die Welt oder was Religion als Gerechtigkeit bezeichnet, wie zum Beispiel Leuten Geld zu spenden oder Kinder zu adoptieren. All das ist weltlich und nichtig vor den Augen des Herrn. Et c'est pas ce que l'homme ou bien la religion appelle justice, comme par exemple donner l'argent aux pauvres ou bien adopter les enfants. C'est pas la justice de Dieu. In verse 6, he said, the wolves also shall dwell with the lamb. Verset 6. That's why we can live together today. Mm-hmm. Und deswegen können wir auch alle miteinander leben heute. Et verset 6 nous montre c'est pourquoi on peut vivre nous tous ensemble. Are you getting something here? Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. That's why we can live together. Mm-hmm. And that's how husband and wife can live together. Mm-hmm. As one. Und genau deswegen können auch Christ. Ehemann und Ehefrau als eins in Christus leben. Et c'est dans verset 6 on peut voir aussi que une femme et son mari peut vivre ensemble. Until Christ is Christ, Christ, yeah, live together. They can never be one. Solange die Person nicht Christus ist, kann Christus und Christus können zusammenleben. Und solange eine Person nicht Christus ist, können sie nicht miteinander leben. Seulement le Christ et le Christ peut peuvent vivre ensemble. Si une personne n'est pas en Christ, là, ça ne va pas fonctionner, ça ne va pas marcher. I'm not talking about religion, I'm talking about Christ. Und ich spreche nicht von Religion, sondern ich spreche von Christus. Je ne parle pas de la religion, mais je parle du Christ. Amen. You know, do you remember Jesus said, I brought salt and not peace? Mm-hmm. You remember that? Erinnert euch, dass Jesus gesagt hat, ich bin gekommen, um zu teilen, ich bin mit dem Schwert gekommen und nicht um Frieden zu stiften. Et rappelez-vous que Jésus-Christ a dit, je suis venu avec l'épée et pas avec la paix de ce monde. Amen. Amen. Until it's Christ and Christ, there's going to be war. Erst wenn es Christus und Christus ist, der in einer Gemeinschaft ist, in einer Beziehung ist, dann, wenn es das in nicht relationship ist, as a whole. In einer Beziehung als Ganzes, dann wird Krieg sonst herrschen. Et seulement quand y a deux sont en Christ dans n'importe quelle relation, c'est là où ça va marcher. Mais si tout le domaine une personne n'est pas en Christ, ça va pas marcher. The spirit and the flesh cannot work together. Geist und Fleisch können nicht zusammenarbeiten. Es wird ein Schwert sein. Parce que l'esprit et la chair ne peuvent pas marcher ou bien travailler ensemble parce qu'il y a oui, c'est l'épée qui est au milieu d'eux. Amen. You can see today, Muslims, they go and marry so-called God people. I don't know if they are God people. They call themselves God people. You know, all of them. You know, how can darkness and light work together? I don't even, I cannot understand it. Wir sehen, wie Christen vermeintliche Kinder Gottes heiraten, mit ihnen eins sind, aber wie können Dunkelheit und Licht eins sein, Einheit haben? Et on peut voir comment les musulmans, ils marient même les chrétiens, les soi-disant enfants de Dieu. Mais la question est comment peut la lumière vivre ensemble avec le ténèbre? Ce n'est pas possible. The meaning is that there's no Christ at all. There's bedeutet, no Christ dass Christus there at all. Nicht der Kopf da ist. Das ist alles Dunkelheit, Finsternis. La signification de cette situation est que Il y a pas le, le Christ n'est même pas présent dans ce mariage. Et c'est ça pourquoi toutes les deux personnes sont aux ténèbres. Amen. Amen. If your wife is safe and is born again, is really safe and is of Christ, can never hide it from the husband. Frau wirklich wiedergeboren ist. Because Jesus called it a candle. You cannot own a candle and put it inside a cupboard. Und zu Christus gehört, dann ist sie das Licht, ne, ein Licht. Und man kann dieses Licht nicht verbergen. Sie kann dieses Licht nicht vor dir verbergen. Et si une personne ou bien une femme ou bien un mari, un homme est vraiment un enfant de Dieu, là, cette personne ne peut pas cacher sa lumière parce que tu ne peux pas aussi allumer une bougie puis le cacher sous la table. Ce n'est pas possible. And the meaning of that is that a husband and wife, one is, you know, if one is really safe, they will, that house, they will, and the other not, the other, there will be no peace in the house. Und wenn einer wirklich errettet ist unter diesen beiden Menschen und der andere nicht, dann wird es keinen Frieden geben in diesem Haus. Et si une personne est sauvée et l'autre est pas sauvée, là, il n'y a pas la paix dans la maison. Amen. Amen. Because a darkness and light cannot work together. Und Licht können nicht zusammen leben, arbeiten. Parce que la lumière et le ténèbre ne peuvent pas marcher ensemble. Amen. Mm. But I'm not talking, what I'm saying is, I'm not talking about religion. Religion and religion can live together. Religion and the flesh can live together. Mm. And then we have the so-called, what they call peace. Mm. And everything will be moving on. You see it clean and clear. But once it comes to Christ, he's sought. If the other part is not Christ. Genau. Und ich spreche nicht von Religion, weil Religion, Religion, die können zusammen miteinander glücklich werden, bis sie alt und grau werden. Das ist kein Problem, weil das der Wurzel gleich ist. Es ist der Satan, der dahinter ist. Aber wenn wirklich Christus in dieser Familie ist und die andere Person halt nicht, dann wird es auf jeden Fall keine Harmonie geben. Mhm. Et je ne parle pas de la religion, parce que la religion, et ce n'est pas le Christ. Là, tu peux voir aussi un musulman ou s'est marié avec un juif ou bien un chrétien avec un musulman. Mais ça, c'est la religion s'il y a la paix là-bas. Mais s'il y a maintenant, par exemple, la séparation, c'est parce qu'un côté est en Christ et l'autre est au diable. Parce que le Christ a dit qu'il vient avec une épée. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, somebody that is really Christ and the light is on and is really the kingdom of heaven. And if you have a husband that is not Christ, your message to that husband, that husband will even know that this is Christ. Mm. He will know, he will know the difference already between Christ and religion. Genau, und wenn diese Frau wirklich wiedergeboren ist, wird ihr Mann auf jeden Fall wissen, dass sie zu Jesus Christus gehört. Das ist so, als ob wenn die Frau schwarz ist, dann wird der Mann wissen, dass sie eben nicht weiß, sondern schwarz ist. Das ist einfach, man sieht es einfach an ihrem ganzen Körper, das kann er nicht leugnen. Aber wenn er das nicht verstehen kann, wenn er das nicht wahrnehmen kann, dann stimmt etwas nicht. Dann ist diese Person auch nicht wirklich wiedergeboren. Aber wenn sie wirklich wiedergeboren ist, dann ist sie das Licht. Und dieses Licht kann man nicht verbergen. Und das wird dieser Ehepartner sofort merken und erkennen. Et si, par exemple, la femme à la maison est la personne qui est sauvée, et puis l'homme n'est pas sauvé, normalement, cet homme doit voir la différence déjà dans la vie de sa femme, parce que la femme est dans la lumière. Et c'est comme aussi, merci d'avoir donné l'exemple, si l'homme voit que sa femme est noire, il ne peut pas dire que ma femme est blanche. C'est pas possible, parce que tu peux voir clairement dans son extérieur et intérieur que cette personne est par exemple noire ou bien africain. C'est la même chose aussi avec un enfant de Dieu. Tu dois voir la lumière. Praise the Lord. Hallelujah. If Christ is your neighbor, the wolves also shall dwell with the lamb. Wenn Amen. Christus dein Nächster ist, dann kann das Lamm mit dem Löwen zusammen chillen. Mm-hmm. Et si le Christ est ton prochain, là, ça signifie aussi un loup et l'agneau peut aussi vivre ensemble. Amen. If it is Christ, Christ, you know, the color does not matter. Wenn es Christus, Christus ist, die Hautfarbe, die Nationalität, egal. Are you getting it? Et si il s'agit du Christ, là, la couleur de peau, ce n'est pas important, ou bien le pays, ou bien, disons, l'origine, ce n'est pas aussi important. What matters is the inside. Das, was zählt, ist das Innere. Ce qui compte, c'est l'intérieur, l'intérieur, et puis c'est le Christ. And the leopard shall lie down with the kid, and the calf and the young lion, and the fatling together, and a little child shall lead them, and the cow and the bear shall feed, their young ones shall lie down together, and the lion shall eat straw like the ox. No longer eating animals, amen, eating people. Verse 8. And the suckling child shall play on the pole of the ark, and the weaned child shall put his hand in the crocodile's den. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. They shall not hurt nor destroy in all my holy mountain, for the air shall be full of the knowledge of the Lord, as the water cover the sea. We'll close with Mark 16, please. Let's go to Mark 16. Mark 16. Same place, what is there is here also. Gleich, was da ist, steht auch hier. Ce qu'on a écrit dans Isaïe, on a écrit ça aussi dans Marc 16. Marc 16, verset 18. And they shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Praise the Lord. Amen. They shall take up serpent, and that serpent can do them nothing. Schlangen werden sie aufheben. Diese Schlange wird ihnen nichts antun können. Ils saisiront des serpents, mais le serpent peut rien faire. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Because of Christ in us. Wegen Christus in uns. Grâce au Christ en nous. And Christ in one another. Und Christus in einander. Et oui, le Christ dans l'un et les autres, dans les uns et les autres. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. We stop here on Sunday. We continue as the Lord directs us. Amen. Amen. Please know that you are the only one that have the power to judge. Aber bitte wisst, dass ihr die einzigen seid, die die Kraft habt zu richten. Et vous devez savoir que vous êtes les seuls gens qui ont la puissance à juger. You are the only one that have the power to prove. Du bist der Einzige, der die Kraft hat zu prüfen. Et vous êtes les seuls gens qui ont la puissance de juger. You are the only one that have the power to condemn. Und zu verurteilen. Et même de condamner. Amen. We go there on Sunday. Amen. Praise the Lord. Amen. You are the only one. Du bist der Einzige. That is qualified. To prove all things. Du bist der Einzige, der qualifiziert ist, alle diese Dinge zu prüfen. Et tu es la seule personne qui est qualifiée à tout juger et examiner. 1 Corinthians 2. In 1 Corinthians 2. Those that of Christ prove all things. Die von Christus zu Christus gehören, prüfen alles. Et 1 Corinthians 2 nous dit que les gens qui appartiennent au Christ, ils jugent tout. I don't even need to condemn people because they have already been condemned for rejecting Christ. Romans 8:1-2. Et je n'ai pas besoin de condamner les gens parce qu'ils sont déjà condamnés par leur propre décision de rejeter Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. So please, we close here. Amen. So yes,